الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين في كتابه العزيز ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن الهداية إلى الإسلام والإيمان نعمة ربانية ومنة إلهية يكرم الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده فهي أعظم النعم وأكبرها على الإطلاق وكل ذي نعمة محسود فكيف بأفضلها اعلم يا عبد الله أنه لا يكفيك أن تكون مسلما بل لابد أن تحقق الإسلام وأن تثبت عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ونحن في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى التذكير بالثبات على هذه النعم بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى هذا في كل زمان ومكان لكن الحاجة تعظم في أيام الفتن وتعلم أيضا أن لك عدوا هو الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى في إرادة الشيطان لإضلال بني آدم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهكذا الضلال بشتى أنواعهم قال الله مخبرا عن أمنيتهم كالمنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فالشياطين من الجن والإنس يقعدون لك صراط الله المستقيم ليضلوك عن سواء السبيل فنحن بحاجة ماسة إلى التذكير بهذا الموضوع الثبات على الدين لأننا نعيش أيام الصبر أيام الشدة فنحن في ابتلاء وامتحان أنت في الدنيا ما خلقت للراحة بل الابتلاء قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلا بد من معرفة أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أولا يجب عليك أن تعلم أن الهداية والتثبيت بيد الله وحده لا شريك له قال تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فالأمر كله بيد الله ويرجع إليه كله تبارك وتعالى. السبب الثاني توحيد الله رب العالمين والإيمان به. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ويضل الله الظالمين. الأمر الثالث أو السبب الثالث الإقبال على كتاب الله الكريم، الإقبال على تلاوة كلام الله العظيم وتدبر آياته والعمل به. قال الله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتلاوة القرآن والرجوع إلى القرآن وتدبر آياته من أعظم أسباب الثبات على دين الله. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا خصوصا عند ورود أسباب القلق. وقال سبحانه وتعالى قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الدعاء والتذلل بين يدي الله العزيز الجبار، هذا هو السبب الرابع، كيف لا، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وأفضل الخليقة، يدعو الله تبارك وتعالى ليثبته على الحق ويستعيذ به من الإضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كالقلب الواحد يصرفه حيث شاء يصرفه حيث شاء. ثم قال اللهم صرف قلوب اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، أو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول عليه الصلاة والسلام اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا أو ثبت قلبي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات المباركة فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك. ادعو الله وأنت مستشعر بأنك لا تستغني عنه طرفة عين. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ووصف الله عباده المتقين بهذه الخصلة الطيبة، قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السبب الخامس نصرة دين الله، نصرة دين الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إن تنصروا دين الله فبنصرة الله فبنصرة دين الله عز وجل تنال نصرته والثبات على دين الله تبارك وتعالى. فبتعلم العلم النافع والتفقه في دين الله تبارك وتعالى وبالعمل الصالح وبدعوة الخلق وإرشادهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وبالصبر على الآذى فيه تنال التثبيت من الله تبارك وتعالى، وهكذا الرد على المبتلين، الرد على المبتلين الأفاكين على دين الله رب العالمين، وهكذا التخلق بالأخلاق النبوية واتباع هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بنشر سنته تنال الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. كن كما كان عليه الصلاة والسلام من معالي الأخلاق والصدق والأمانة والوفاء وطلاقة الوجه وإفشاء السلام إلى غير ذلك من الأخلاق الرفيعة، كل ذلك يعتبر نصرة لدين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. السبب السادس من الأسباب المهمة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الربانيين من أهل السنة والجماعة من أهل الله وخاصته. والسبب الآخر وهي أكثر من ذلك ملازمة طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أسباب الضلالة والفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. نسأل الله الثبات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شفخاء. Sachez que le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et l'a guidé à l'islam et la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qu'il a élus parmi ses serviteurs. C'est le plus grand bienfait, et chaque personne possédant un bienfait a des envieux. Sachez, chers frères, qu'il ne nous suffit pas d'être musulmans pour obtenir la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il ne suffit pas de dire avec nos langues, nous sommes musulmans. Il ne suffit pas d'apprendre, il ne suffit pas d'accomplir la prière. Mais il nous faut parfaire cet islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu. Et il nous faut rester fermement accrochés à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'espérer mourir en pleine soumission pour avoir dans l'au-delà la félicité, l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. C'est-à-dire restez fermement accrochés à votre religion et efforcez-vous de faire les causes qui vous permettront de rester sur l'islam jusqu'à votre dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre verset, donc selon la traduction, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort te vienne. Tu as de nombreux ennemis qui essayent de te faire sortir du sentier d'Allah, qui essayent de t'égarer du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te faut rester ferme, il te faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te permette de rester fermement accroché à sa religion subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas que tu as un ennemi déclaré qui a promis de t'égarer toi et tes semblables, al-shaytan, lorsqu'il fut éloigné et maudit par Allah tabaraka wa ta'ala, a pris l'engagement de tous nous égarer, a pris l'engagement d'égarer l'ensemble des fils et des filles de Adam alayhi salam. Il a fait la promesse de venir de toutes parts afin de nous égarer, à droite de nos personnes, à notre gauche, de devant nous, de derrière nous. Il entreprend tout ce qui est en son pouvoir ou dans sa capacité afin de nous égarer du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de cela dans le Coran pour que nous soyons sur nos gardes et pour que nous apprenions quelles sont les causes qui nous permettront de rester fermement accrochés à sa religion. Et les gens, à l'instar des hypocrites, aimeraient cela de nous, c'est-à-dire le délaissement de notre religion. Certaines personnes dépensent tout ce qu'elles possèdent afin que nous délaissions notre religion. Mais par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, son soutien et son secours, alhamdulillahi rabbil alamin, nombreux sont ceux qui restent fermement accrochés à sa religion, même en temps de troubles. Nous sommes dans le plus grand besoin d'évoquer ce sujet. Car la personne, lorsqu'elle oublie la gravité de l'égarement, elle se sent à l'abri. Et lorsque la personne se sent à l'abri, elle s'égare du droit chemin. Tout particulièrement à cette époque où il y a de nombreux troubles, et où les gens essayent, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, de blâmer et de critiquer l'islam. Mais cela ne nuit aucunement à l'islam. La personne ne doit pas se sentir à l'abri. La personne doit craindre l'égarement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et l'homme ne cesse d'emprunter la voie des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et son entrée au paradis qu'un empan ou bien qu'une coudée. À ce moment-là, son livre le rattrape. Il finit par accomplir les actions des habitants de l'enfer et finit par y entrer. Donc tant que tu n'as pas mis tes deux pieds au paradis, tu n'es pas en sécurité. Tu ne dois pas te sentir à l'abri. Tu es sur une terre dans ce bas monde, une terre d'épreuve. Tu es sur une terre d'épreuve, Allah Azza wa Jal t'a créé. Tu seras éprouvé pour voir le comportement que tu auras. Est-ce que tu seras patient et tu témoigneras de la véracité de ta foi? Ou bien est-ce que tu délaisseras l'endurance à l'instar des hypocrites, iyadan billah? Un sujet donc très important est la connaissance des causes qui nous permettra ou qui nous permettront de rester fermement accrochés à notre religion. La première cause, le fait de savoir que la guidée et le raffermissement, tout cela est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le seul à pouvoir nous guider et le seul à pouvoir nous maintenir sur sa religion. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, Allah raffermit ceux qui ont eu la foi avec la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. La parole ferme, c'est la ilaha illallah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, beaucoup de savants ont dit, c'est-à-dire dans la tombe, lorsque les anges viendront questionner le serviteur. Aussi, Allah nous dit dans un autre verset selon la traduction, mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Donc l'ordre tout entier est dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne également dans le Coran, et c'est la deuxième cause, que at-tawhid, la foi en Allah et le fait de l'adorer d'un culte sincère, est l'une des plus grandes causes qui permet aux serviteurs de rester fermes sur sa religion. Il nous dit, Allah raffermit ceux qui ont eu la foi avec la parole ferme dans ce bas monde et l'au-delà, et il égare les injustes. La troisième cause, le fait de lire le Coran, de le méditer, de chercher à le comprendre, de l'appliquer et de l'étudier. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que ceux qui ont mécru ont dit, afin de mettre des doutes donc aux gens, pourquoi est-ce que ce Coran n'est pas descendu d'un seul trait? Car comme vous le savez, le Coran a été révélé graduellement. Pourquoi le Coran n'a pas été révélé en une seule fois? Puis Allah nous dit, donc selon la traduction, c'est ainsi qu'il fut fait afin de te raffermir, afin de raffermir ton cœur. Donc lorsque le Coran descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant les nombreuses difficultés qu'il rencontrait, cela raffermissait ses pas, cela tranquillisait sa poitrine. Walhamdulillah. Parmi les causes, il y a le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, de s'humilier devant lui et de lui demander la guider et le raffermissement, et qu'il ne nous abandonne pas à nos propres âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est la meilleure des créatures, invoque Allah Azza wa Jal en ces termes. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Il nous disait que les cœurs du fils de Adam, les cœurs des enfants de Adam, tous les cœurs des enfants de Adam sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux, comme un seul et même cœur. Il les dirige comme il le veut, puis il invoque Allah Azza wa Jal, ô toi qui dirige les cœurs, dirige mon cœur vers ton obéissance. Et Umm Salama radiallahu anha nous dit que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait très souvent était ô toi qui dirige les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc invoque Allah Azza wa Jal en ayant la certitude qu'il est le seul à pouvoir t'accorder ce grand bienfait. La cinquième cause est le fait de secourir la religion d'Allah. Allah nous dit, donc selon la traduction, si vous secourez Allah, il vous secourera. C'est-à-dire si vous secourez la religion d'Allah en apprenant sa religion, en la mettant en pratique, en la propageant, en ayant les caractères de celui qui vous est venu avec sa religion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera le secours. Parmi les causes, sixièmement, le fait d'obéir Allah et son messager. Allah nous dit selon la traduction, et s'ils avaient fait ce à quoi on les avait exhortés, cela aurait été meilleur pour eux et bien plus ferme. Et bien plus ferme, Allah Azza wa Jal les aurait raffermis sur le chemin de la vérité. Il te faut aussi, septièmement, revenir aux savants de la sunna lorsque tu te retrouves en temps de trouble ou dans une difficulté. Et pour conclure, invoquer Allah Azza wa Jal afin qu'il nous préserve des causes de l'égarement. C'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour. Et à chaque fois qu'il sortait de chez lui, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant « Oh Allah, je cherche protection près de toi afin de ne pas m'égarer ni d'être égaré par autrui, afin de ne pas me tromper ni d'être induit en erreur par autrui. » Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala très souvent afin qu'il le raffermit sur la vérité et le préserve des causes de l'égarement. « فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيَ الْكَبِيرِ رَبَّ الْعَرْشَ الْعَظِيمِ أَنْ يُثَبِّتَنَا وَإِيَّاكُمْ على صراط المستقيم وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين. Il y a une personne qui est décédée ce matin et on nous demande d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. فنسأل الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه ويغفر لجميع موتى المسلمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.